Yeah. Vous écoutez Canal Sud 92.2 FM ou Canal Sud.net, c'est Nuisance, Nuisance. Nous sommes vendredi, comme les vendredis, Nuisance, sur Canal Sud. Je sais pas ce qui se passe, quelqu'un a pris les manettes, le contrôle est total. L'environnement ne fait qu'obscurcir, l'obscurcissant, démesuré, clopin, et tant, vous m'en direz tant. Thank you. pourquoi. On sait le pourquoi. Salut Luna. Vous écoutez Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. Salut Luna. Ça sonne ou ça bip? Je sais pas, j'ai... Je ne vais pas trop quoi dire, je sais pas. T'as qu'à essayer, tu vois. Je sais pas si ça bite ou ça sent, dis-moi. Parce que ça sent ou ça bite. Voilà. Cool. C'est un problème. Coucou. Bonsoir. C'est bon, je m'entends. s'entend ce qu'on dit. Maintenant on s'entend. Ça on s'entend. Right. Tu entends? Ça sonne bien, hein? Et là, si on parle, on nous entend. Oui, si tu parles, tu m'entends. Ouais. Si tu entends, c'était bien. S'entendre. Hein, que c'est marrant de s'entendre. Tu mets le truc en temps. Vas-y, parle dans le micro et tu vas t'entendre bien. T'sais. Ah ouais, c'est cool. C'est chouette. Voilà, je t'entends dans le micro. C'est marrant. C'est drôle. Et toi? Tu peux parler dans le micro. Tu m'as fait chier. Bah oui. Bah, c'est super. C'est bizarre, maman. Tu parles dans le micro. Tu m'entends, ma princesse? Oh oui. C'est génial, hein? Bien sûr. Certes. Est-ce que tu entends, maman? Oui, je t'entends, mon trésor. T'entends? Oh là là, c'est bizarre. On échange. On échange de casque. Allez, allez. Tu veux céder? Hop. C'est trop bien, en fait. En plus, on peut partager. On va faire un seul là qu'on va pas faire. C'est ça. Oui. J'entends comme ça, mais tu peux essayer tout ce qui est concernant à partir de ça. Allô? Je fais que des barres, les gars. Allô, allô? Allô, allô? Allô, allô? On se voit pas, mais on s'entend. Oui, on s'entend. Alors, du coup, on peut parce fermer les yeux et imaginer que les gens ils t'entendent aussi. On s'entend. On entend là. Ouais, tu entends allô? Salut les gens, au bout oui, du fil. J'ai entendu, ça y est les gens. Salut les gens. Salut les gens. Au bout du fil, au bout de l'antenne. Dis bonjour à tout le monde. Bonjour tout le monde. Salut. Ah, c'est salut, salut. J'ai entendu tout le monde. Petit chaton. Tu peux aller dans mon trou. Allô, allô, allô, allô. J'écoute, j'écoute. Oui, oui, oui. On t'entend, on t'entend. Allô, allô. Vas-y, là c'est parfait. Là. Allô. Ouais, on t'entend bien. Plouf. Plouf. Allô. Plouf, plouf. Tic, tic, tic. Rien que ça. Tu nous racontes une blague? Une blague à moi. Un petit chat. Ouais, vas-y. Un petit chat. Allez, à toi. Allez, d'ailleurs, on va s'amuser. Bah, la blague qu'on vient de me dire, elle était trop longue, je m'en rappelle plus. C'est un schtroumpf qui tombe, il se fait un bleu. Quoi? Il y a du caca dans le tuyau. Donc doucement. Quoi? Tout ce qu'il faut faire, c'est doucement, parce qu'il y a des voisins et il y a des petits en haut. Et vu qu'il y a des petits en haut, et ben, il faut qu'ils dorment. Alors il faut faire attention, parce que les petits, ça a besoin de dormir et ça aime pas le bruit, les petits. Voilà. C'est tout. C'est tout ce que. Sinon, si tu vas doucement, tu peux te faire entendre autant que tu veux. Cui cui. Oiseau. Cochon. Grelon. Grillon. Grillon. Éléphant. Poche. Éléphant. Cochon. Bon. Quoi? Hein? Quoi? Ils jouent déjà. Retournez à la mer. Tournez la mer. Avec une cuillère en bois. Ouais, genre, comme un gâteau. Qu'on ferait avec de la crème. Et on mettrait ça au four et on aurait un gâteau à la fin. Un gâteau à la mer. Même chose. Un gâteau à la mer avec la cuillère en bois. La cuillère en bois. Gâteau de mer. Dernière. J'ai plus envie, moi. Tu mets ton téléphone, t'écoutes la radio. J'en ai pas dans mes oreilles. Toi, tu cuisines. Écoute, Crevette et décalage. Est-ce que c'est ce que j'ai compris? Tout à fait. Cui-cui, la couti tout titi coin-coin. La petite coin-coin, la petite coin. Petite coin dans la latte. Titi tout en haut, titi à la couti. Ça, la bouquet tout. La cochon, cochon bas, cochon, cochon ficelle, cochon, cochon, cochon, cochon, cochon. Titi tout en haut, titi à la couti. Ça, la bouquet tout. Caméro qui revient. Cochon, cochon, cochon, ficelle, cochon, cochon, cochon, cochon, cochon, cochon, cochon, cochon, cochon, cochon, cochon, cochon, cochon, cochon, cochon, cochon, cochon, cochon, cochon, cochon, cochon, cochon, cochon, cochon, cochon, cochon, cochon, cochon, cochon, cochon, cochon, cochon, cochon, cochon, cochon, cochon, cochon, cochon, cochon, cochon, cochon, cochon, cochon, cochon, cochon, cochon, cochon, cochon, cochon, cochon, cochon, cochon, cochon, cochon, cochon, cochon, cochon, cochon, cochon, cochon, cochon, cochon, cochon, cochon, cochon, cochon, cochon, cochon, cochon, cochon, cochon, cochon, cochon, cochon, cochon, cochon, cochon, cochon, cochon, cochon, cochon, cochon, cochon, cochon, cochon, cochon, cochon, cochon, cochon, cochon, cochon, cochon, cochon, cochon, cochon, cochon, cochon, cochon, cochon, cochon, cochon, cochon, cochon, cochon, cochon, cochon, cochon, cochon, cochon, cochon, cochon, cochon, cochon, cochon, cochon, cochon, cochon, cochon, cochon, cochon, cochon, cochon, cochon, cochon, cochon, cochon, cochon, cochon, cochon, cochon, cochon, cochon, cochon coin, le lac coin, coin, coco, la kitty bourre, des louguettes sur bas, tout la coin, coin, la cochon, cochon, bas, tabac, tabac, au coin. J'ai pas pris l'harmonica. On monte en même temps rire. C'est trop bien. Demande à moi comme ça pour la queue qu'on a. Canard, la petite, la pampine, nous qui touquet d'asta. Tour de canarou. Quand j'étais petit, j'étais un grand leur. Quand j'étais petit, je n'étais pas grand. Ah, on l'a perdu. Je montrais mon cul à tous les passants. Les passants disaient, veux-tu quand le monter? Moi, je leur disais, veux-tu le lécher? Ah, il a saboté. Saboteur. Eh Dadou, c'est pour toi si t'es pas bien à chute. J'ai un coin coin. Il a saboté. Eh Dadou, c'est pour toi si t'es pas bien à chute. J'ai un coin coin. Il a saboté. Prends un casque. C'est Al qui prend le casque. C'est Al. C'est vrai que sans le casque. C'est pas pareil. Bonjour, bonjour. Bonjour tous. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Tingue dingue dingue. Dongue dongue dingue. Tingue tout bonjour. Dingue dingue dong. Bonjour, du coup, elle va s'écouter là-bas. Bonjour, du coup, elle va s'écouter là-bas. C'est son émission, c'est une s'inquiétait parce qu'on n'avait pas de nouvelles. Ouais. C'est vrai que je t'avais envoyé un message la semaine dernière pour les vidéos. Ouais. Tu m'as pas répondu quoi. Vendredi. Ah ouais, ouais, ok. Je s'inquiétait parce qu'on n'avait pas de nouvelles. Ouais. C'était marrant. C'est vrai que je t'avais envoyé un message à l'hôpital. Il se réveille dans le noir. Vendredi. Ah ouais, ouais, ok. S'inquiétait parce qu'il n'y avait que assez de nouvelles. Et il tombe dans le canal. Il tombe dans le canal. Michael à l'hôpital. Il se réveille dans le noir. Canal Sud, vous avez une super chanteuse. C'est Luna Boy et son banjoiste. Un jeune talent prometteur. Banjoiste envoyé ici. Sur Canal Sud, vous avez une super chanteuse. C'est Luna Boy et son banjoiste. Un jeune talent prometteur. Banjoiste envoyé ici. Sur Canal Sud, vous avez une super chanteuse. Son banjoiste. Sur Canal Sud, vous avez une super chanteuse. On va faire ça tout doucement, la même chose mais tout doucement. C'est bien. Non, c'était vraiment okay. Bien. On recommence à partir du yayom là, je sais pas quoi, et tout. On fait plutôt que faire yayom, on fait yayom. Yayom. Yayom. Sébastien Bach. Nous allons passer maintenant à la variation en do mineur par Vivaldi de l'aria pro 4 Sébastien Bach. Alinéa bis 24 2 57 K O M L W Z 57 B 12 24 A page 24 chapitre 5 livre volume 12 livre C 15 à droite première à gauche après la deuxième étoile 57 B 24 chapitre 5 Moi aussi, hein. J'entends rien. Et c'est reparti encore une fois, allez, je te mets celui-là. Allez, sclonk. Sclonk. Et c'est reparti, je lance leur mets. Sclonk. Fanny s'endort. Faut chanter un truc plus rapide. Sans crier. Fanny s'endort. Faut chanter un truc plus rapide. Sans crier. Alors Luna, peux-tu nous dire quelles sont tes sensations? Bizarre, voilà. C'est tout, mais c'est parfait, c'est le mot qu'il fallait, bizarre. Sensationnel. Alors Luna, peux-tu nous dire quelles sont tes sensations? Bizarre, voilà. C'est tout, mais c'est parfait, c'est le mot qu'il fallait, bizarre. Sensationnel. Alors Luna, peux-tu nous dire bizarre. C'est tout, mais c'est parfait, c'est le mot qu'il fallait, bizarre. Bon bah, un peu sclope. Ouais, je pense. Ouais, hein. C'est parti. J'ai de l'alcool aussi, je pense. Ah. Faut de tout pour faire un monde. Hein. C'est ça. Faut de tout pour faire un monde, oui, c'est vrai. Faut de tout pour faire un monde. Bon, bah, un clope. Ouais, je pense. Ouais, hein. C'est ouais, parti. J'ai de l'alcool aussi, je pense. Ah. Faut de tout pour faire un monde. Hein. C'est ça. Faut de tout pour faire un monde, oui, c'est vrai. Faut de tout pour faire un monde. Bon, bah, un clope. Ouais, je pense. Ouais, hein. C'est parti. J'ai de l'alcool aussi, je pense. Ah. Faut de tout pour faire un monde. C'est ça. Faut de tout pour faire un monde, oui, c'est vrai. Faut de tout pour faire un monde. Bon, bah, un clope. Ouais, je pense. Ouais, hein. C'est ouais, parti. J'ai de l'alcool aussi, je pense. Ah. Faut de tout pour faire un monde. C'est ça. Faut de tout pour faire un monde, oui, c'est vrai. Faut de tout pour faire un monde. Bon, bah, un clope. Ouais, je pense. Ouais, hein. C'est ouais, parti. J'ai de l'alcool aussi, je pense. Le silence, c'est d'or. Et la parole est d'argent. C'est pas mal l'argent. Ouais, mais l'acte, il est de diamant. Adamantin, l'acte ? Ah ouais, ça dépend quel acte. N'importe quel acte. Peut-être. Surtout l'acte manqué. Diamant. Ouais, diamant, ouais. Ou émeraude, on peut changer. Diamant ou émeraude du coup? Ouais, je sais émeraude. Pas, on va peut-être émeraude. Essayer le rubis. Émeraude le ou diamant? Le saphir à droite. Non, vas-y, une pierre précieuse ou juste un vulgaire caillou? Ok, pierre précieuse. Ouais, précieuse, ça me va, ouais. Du c'est calque. Début, émeraude le ou diamant? Le saphir à droite. Fanny, mettre... Fanny, ouais. Réponds-moi. Oui. C'est quoi la question? Thank you. bébé yo, pou pou de la boulibi caca prout. Bouya caca. J'ai un texte justement sur le caca prout, attends j'arrive. Ah, oh yeah. On le veut celui-là. Je ne sais plus quel texte c'est, peut-être que le titre de ce texte c'est caca prout, je sais pas. On va essayer celui-là là. Donc, I was saying, I calm myself down, I cheer myself up, avec plaisir, zizir, tu sais, you know, pleasure. Pleasure, ça veut dire plaisir. Zizir, tu sais, avec plaisir, zizir, tu sais, pleasure. I was saying, pleasure. Donc, I was saying, I calm myself down, I cheer myself up, avec plaisir, zizir, tu sais, you know, pleasure. Pleasure, ça veut dire plaisir, tu sais, avec plaisir, zizir, tu sais. Pleasure. I was saying pleasure. Donc I was saying Comme dirait Freud, on était dans la phase anale. Baba la goudité, sado. Comme dirait Freud, on était dans la phase anale. Baba la goudité, sado. Bébé. Oh bébé. Comme dirait Freud, on était dans la phase anale. Tape sur la table, bébé, vas-y, tape sur la table, bébé. En fait, taper sur la table, c'est interdit ici. Je sais, ça peut paraître méchant, mais si on interdit, si moi j'interdis quelque chose, c'est ma faute. Surtout pour une enfant de 6 ans. Pour n'importe quel enfant, quel que soit les âges, interdit normalement de taper sur la table, c'est justement le truc qu'on fait pas ici. Tape. Je sais, je suis désolé. Non, tape sur la tête, voyons. Non, tapez pas dans vos mains. Tapez dans vos mains. Quels que soient les âges, interdit normalement de taper. Tape dans tes mains. Ouais, tout de suite, c'est moins marrant. Ah, c'est plus difficile, ça fait mal quoi. Ouais, c'est non, tapez pas dans vos mains. Tapez dans. Non, mais on va pas taper, on va parler par exemple. On peut dire cacaprout. On n'est pas obligé de bloquer sur cacaprout. On peut aussi dire mince, on peut dire zut, on peut dire. Crotte de bique, on peut le dire tout ça. On n'est pas obligé de dire que ça. Est-ce qu'on peut dire caca? Oui, caca, tu peux le dire. T'es pas obligé de bloquer dessus, comme je disais, quoi. T'es pas obligé de rester sur ce sujet-là. Tu peux en passer à autre chose après, tu vois. Mais une fois qu'on a dit les choses qui nous gênent le plus, de dire, on se sent plus à l'aise pour dire ce qu'on a envie de dire des fois. Tu vois, donc moi je suis pas contre, tu peux dire caca. Tu l'as perdu. Pas méchamment, le chien quoi. Est arrivé. Non, mais ça viendra, t'inquiète. Après, tu vois. Mais... Et ce qu'on peut faire, c'est ne rien faire, justement. Mais c'est pas mal, des fois, ne rien faire. Tu vois, ça fait du bien. Hein. L'ennui fait évoluer. L'ennui donne des envies, des fois. Ouais. Tu t'ennuies souvent. Hein. Ça, c'était gratuit, les gars. L'ennui, c'est salvifique, il paraît. C'est salvateur, l'ennui. On peut trouver son cap dans l'ennui. Grâce à l'ennui, on peut se retrouver, justement, centré sur soi-même. Et de l'aborrimiento. Et aime-moi. L'ennui. Bien. Hein? Se ha dormido. C'est dingue de dire ça. C'est vrai, ouais. C'est vrai. A poquito valido. Ah ouais. Elle est vraiment en train de dormir. Elle est toujours là. Polia Hippota, vas-y, mets ton tes casques. Tu m'entends pas sinon. Sinon tu m'entends pas. Sinon tu m'entends pas, ouais, tu vois. Oh, j'entends des petits pas de chien. Voilà. On a été à Pussy à Pota. Ouais, il bien qu'on le gratouille. Les chiens, ça aime bien ça. Ouais. J'ai mes doutes. Pas tout. Les chiens, ça aime bien ça. A, B, C, D, E, F, A, C, G, K, L, N, O, P, Q, R, S, T, V, V, W, X, Y, Z, K, M, O, N, O, R, G, L, A, C, D, E, F, A, C, G, K, L, N, O, P, Q, R, S, T, V, V, W, X, Y, Z, K, M, O, N, O, R, G, L, A, C, D, E, F, A, C, G, K, L, N, O, P, Q, R, S, T, V, V, W, X, Y, Z, K, M, O, N, O, R, G, L, A, C, D, E, F, A, tu l'as perdu pour la fin. A, B, C, D, E, F, G, A, C, J, K, L, N, O, N, O, P, Q, R, S, T, V, tout, O, V, X, Y, Z, K, M, O, N, O, R, G, C, L, A, C, B, par D, E, F, G, A, C, J, K, L, N, O, N, O, P, Q, R, S, T, V, tout, O, V, X, Y, Z, K, M, O, N, O, R, G, C, L, A, C, B, par D, E, F, G, A, C, J, K, L, N, O, N, O, P, Q, R, S, T, V, on entend deux voix, Luna, Luna. Ah oui, parce que je... A, B, C, D, E, F, G, A, C, J, K, L, N, O, N, O, P, Q, R, S, T, V, on entend deux voix, Luna, Luna. Ah oui, parce que je... Est-ce qu'on peut sortir en étant? Ça va être dur d'arriver jusqu'à la fin, ça résonne dans nos oreilles. C'est au final. Alors, tu chantes A, B, C, D, E. 1, 2, 3. A, B, C, D, E, F, G. Ça va être dur d'arriver jusqu'à la fin, ça résonne dans nos oreilles. Q, R, S, T, U, D, 2, G. R, S, T, U, D, 2, G. Ça, c'était de l'alphabet. Je mets des parasites encore, j'aime bien les parasites. Des parasites. On aime tous les parasites. Ah, merci. Les gros cafards derrière ton frigo. Ils sont pas toujours derrière ton frigo, ils sont un peu partout les parasites. Il suffit d'allumer la lumière, on les voit tous qui étalent. Oui, là. Surtout la nuit. Ça rôde. Ça rôde. C'est présent partout. Ça se faufile. Derrière le papier. Il aime dans ton pain le matin. Les cafards, ça nous envahit. Les cafards. Ils sont sous ton lit. Bon, tu fais une chanson calme parce que moi j'ai envie dormir. Une chanson calme. Allez, fais-nous une chanson calme, hein, chérie, pour que tu t'endors. Alors vas-y. Lénie connaît une chanson beaucoup mieux que ça pour s'endormir. C'est pas ça. Oh non, dégoûtant, non. Pas comme ça. C'est quoi déjà cette chanson? Ça arrête de le... Tu veux dormir? Allez, chante-nous une chanson pour dormir. Mais il part en plus. Bon, moi je l'encontre. Toi tu t'endors. Ça marche. Toi qui? Ça marche. Maman, ça marche, ça marche, c'est ça marche. Papa Noël, il s'en va dans les trésors. Maman est là, tout près de toi. Maman t'aime fort. Reprends. Oh là là, elle a envie de revivre. Tout regarde-toi. De là, maman t'aime fort. Et oui, aussi cette couleur. Tout regarde au ciel qui brille si rien que pour toi. Cours et va à son pied, tu trouveras le plus beau pour toi des trésors. Cours et va à son pied, regarde à son pied, il y aura toutes les joies, tous les rires. Tous les bonheurs qu'on garde à son pied. Et elle ne dormira pas ce soir, mesdames et messieurs. Tous les bonheurs. Et elle ne dormira pas ce soir. Tous les bonheurs. Et elle ne dormira pas ce soir. Et tous les bonheurs. Et elle ne dormira pas ce soir. Fanny dort ce soir. Fanny nous a quittés après le deuxième couplet. Apparemment, nous avons le droit à une histoire pour s'endormir. Ah bon, c'est toi ? Non. Tu nous endors, Luna ? Non. Non, c'est moi. C'est mon émission de nuisance sur Canal Sud 92.2 FM. Bonne nuit, tout le monde. Dormez bien, parce que la nuit, c'est ça qui porte conseil. Nuisance, nous, on s'occupe de vous déranger pendant que vous essayez de dormir. Alors, c'est reparti, les gars, on part en quepon, là. On réveille toute Toulouse. Allez, Canal Sud est en forme, les gars, on se réveille. Les casques, ça fait pas de bruit en fait. Non, juste pas trop fort. Oui, c'est mal. Dormez bien tous les enfants. Et tous les grands. Dans la nuit noire sans étoile, la lune n'est pas là. Ça fait à mon foie. Vas-y, mouche-toi. J'ai mon foie. Dans les toilettes. Thank you. chantait pas. Prends un casque. On peut pas taper sur la table. Non, c'est interdit de taper sur la table. Los perros locos. C'est qui l'enfant qui était là avant? J'ai craché la gueule. Donc on va jouer en sol. On s'appelle Los Perros Locos. Non, en sol alors. Je sais pas si j'étais en sol là. Ah mince, je suis pas au bon endroit. Los Perros Locos. On n'a jamais fait le boss sur Cos à l'harmonica et banjo, bon, enfin banjo pour l'instant. On va y arriver. Los Perros Locos, je ne connais pas la chanson. C'est pas une chanson, c'est le groupe. Ah, c'est le groupe. C'est pas moi le groupe Los Perros Locos. Moi je suis avec Polyvalente. Estamos aquí. Si puedo cantar en sol et on était Los Perros Locos. Tu vas chanter, oui. Los Perros Locos. Thank you.

Message, bien sûr, le vendredi février 2012, 57, à 12 minutes et 36 secondes. Ça marche pas. Y'a quelqu'un? Allô? Y'a quelqu'un? On peut faire ce qu'on veut ici. violence. Je suis pas forcément d'accord. Hein. Manifeste du Parti communiste, les autres classes périclites et péristes ou indirectes de la société, à l'aide des écoles, etc., sont irréfutables, les effets meurtriers de la machine et de la division du travail. Du parti communiste, ils entravaient la production au lieu de la développer. Ils se transformèrent en autant de chaînes. Il fallait briser ces chaînes. On les brisa. À la place s'éleva la libre concurrence avec une constitution sociale et politique correspondante, avec la domination économique et politique de la classe bourgeoise. Sous nos yeux, il se produit un phénomène analogue. La société bourgeoise moderne, qui a mis en mouvement de si puissants moyens de production et d'échange, ressemble au magicien qui ne sait plus dominer les puissances infernales qu'il a évoquées. Depuis 30 ans au moins, l'histoire de l'industrie et du commerce n'est que l'histoire de la révolte des forces productives contre les rapports de propriété qui sont les conditions d'existence de la bourgeoisie et de son règne. Il suffit de mentionner les crises commerciales qui, par leur retour périodique, mettent de plus en plus en question l'existence de la société bourgeoise. Chaque crise détruit régulièrement non seulement une masse de produits déjà créés, mais encore une grande partie des forces productives elles-mêmes. Une épidémie qui, à toute autre époque, eût semblé un paradoxe, s'abat sur la société, l'épidémie de la surproduction. La société se trouve subitement rejetée dans un état de barbarie momentanée. On dirait qu'une famine, une guerre d'extermination, lui coupe tous les moyens de subsistance. L'industrie et le commerce sont déclinés. Et pourquoi? Parce que la société a trop de civilisation, trop de moyens de subsistance, trop d'industrie, trop de commerce. Les forces productives dont elle dispose ne favorisent plus le développement des conditions de la propriété bourgeoise. Au contraire, elles sont devenues trop puissantes pour ces conditions qui se tournent en entraves. Et toutes les fois que les forces productives sociales s'affranchissent de ces entraves, elles précipitent dans le désordre la société tout entière et menacent l'existence de la propriété bourgeoise. Le système bourgeois est devenu trop étroit pour contenir les richesses créées. Comment la bourgeoisie surmonte-t-elle ces crises? D'une part par la destruction forcée et des masses de forces productives. D'autre part par la conquête du marché et l'exploitation des contrats des actions. C'est-à-dire que la crise en général est diminuée. Les actes dans la bourgeoisie sont sécurisés se retournent aujourd'hui contre la bourgeoisie. Thank you. c'était tout. Ils ont rempli la culotte de chiottes, de foutre, de l'un des faux qu'ils étaient. Je les déteste tous et toutes. Smoudou, ne pas pour moi, je déteste Smoudou. Smoudou. Les plus faux, les plus smoudou. Une triste bishop, une triste pomme, une triste pomme, une triste pomme, une triste pomme, une triste pomme, une triste pomme, une triste pomme, une triste pomme, une triste pomme, une triste pomme, l'organisation du prolétariat en place, la poursuite de la politique est sans cesse détruite par les mouvements sociaux. Mais elle renaît toujours, et est toujours plus forte, plus ferme, plus formidable. Elle profite des conditions fantastiques de droit pour les obliger à répéter une garantie légale à certains intérêts. Par exemple, la loi de viseur du travail militaire. En général, Canal Sud, 92.2 FM, canalsud.net, c'est Nuisance, Nuisance, l'émission qui nuit au sens, l'émission de toutes les nuisances. Thank you. Jovial. Thank you. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, je m'abonne. 33, 34, 35, 36, 37, 38, je m'abonne. Vous écoutez Canal Sud 92.2 FM ou Canal Sud.net. C'est nuisance, nuisance qui n'a aucun sens. Vendredi, on est le vendredi. Je vérifie pour être sûr sur internet. 19. Ouais, c'est ça, vendredi, ouais. C'est ça, 19 mai 2017. Vendredi, donc, comme tous les vendredis. Là, je ne l'ai pas remarqué, comme la dernière fois que je viens d'avoir disparaître. Ce qui est intéressant, c'est entre ces deux événements-là, il s'est passé quelque chose. Regardez! Regardez! Mais... Regardez! Regardez! Mais... Regardez! Regardez! Regardez! c'est pas comme si. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Première fois, c'est comme ça. Première fois, c'est comme ça. bop bop. Bop bop. Bop bigger bop. Bop bop. Bop bigger bop. Bop bop. Bop bigger bop. Bop bop. Bop bigger bop. Bop bop. Bop bigger bop. Bop bop. Comme un commun. Comme un commun. Comme un commun. Comme un commun. Ça sonne. Comme un commun. Ça sonne. Comme un commun. Ça sonne. Comme un commun. Ça sonne. Faut baisser le feedback. Ça sonne. Faut baisser le feedback. Touf, touf. Ça sonne. Faut baisser le feedback. Touf, touf. Ça sonne. Touf, touf. Faut baisser le feedback. Touf, touf. Ça sonne. Touf, touf. Faut baisser le feedback. Baisse le feedback. Baisse le feedback. Baisse le feedback. Stuck in the mud. Baisse le feedback. Stuck in the mud. Baisse le feedback, stuck in the mud. Baisse le feedback, stuck in the mud. Baisse le feedback, stuck in the mud. Baisse le feedback, stuck in the mud. aller la voir. Mitrailleuse. Mitrailleuse. Mitrailleuse. Mitrailleuse. Fuck that. Fuck that. voiture. Just me. Just me, une voiture. Just me. Une voiture, just me. Just me, une voiture. Just me. Just me, une voiture. Une voiture, just me. Just me, une voiture. Just me. Just the just belong to you. Looks like you should know. Just belong to you. Et pour ainsi dire à jamais, entre couvert de stupre, se fascine. As for me, fuck it. Fuck it, the whole goddamn year of all the cycle goes on the same side of the dresser. Le rassemblement à venir. n'obstrue pas les divertissements. Le plein, pas les pleins, résume. Mais non, mille fois non, merde, shit. Alors que beat, chat, cul, yup. It's like dying. Just like dying. Just like dying. Just like dying. Just like dying. Just like dying. Just like dying. Just like dying. Just like dying. Just like dying. Just like dying. Just like dying. Just like dying. Just like dying. C'est comme mourir. C'est comme mourir. C'est comme mourir. C'est comme la mort. La mort, ça meurt. C'est comme mourir. C'est comme la mort. Mourir. Oh, la mort. La mort, la mort. Et C'est comme la mort. La morde. Chantons mes frères et sœurs. Aïe oh, aïe oh, allez hop, on va au boulot. La la la la la la la la la la la la. Aïe oh, aïe oh, allez hop, on va au boulot. La la la la la la la la la la. Pas ici, sur cette antenne, à ce moment précis que vous trouverez l'absolution. Vous ne trouverez qu'un verre de bière foutu dans un océan de salive morte. Vous ne trouverez rien à part le sang et le crépuscule. La tergiversation ne servira pas les desseins de ce soi-disant saignant seigneur-là. Nous ne sommes pas de cette religion, d'ailleurs la religion, on s'entend de ce soi-disant saignant seigneur-là. Comme le reste, d'ailleurs. Nous ne sommes pas de cette religion, d'ailleurs, pas de nom. On s'entend de ce soi-disant saignant seigneur-là. On n'a pas de nom. Nous ne sommes pas de cette religion, d'ailleurs, pas de nom. On s'entend de ce soi-disant saignant seigneur-là. On n'a pas de nom. Avez-vous compris le message, messieurs, dames ? Veuillez prendre la sortie à droite en prenant l'escalier mouillé qui est électrifié par une quadrature du cercle doré en four. Four. Et c'est ainsi que les rêves de toute une cité se brisent. L'émission Nuisance n'est pas finie. Je sais, c'est terrible. Ce que je veux, c'est m'abattre avec une batte en fer, avec un clou au bout. Le seul problème, c'est que j'ai qu'un bras. Je me suis fait avoir, la guerre m'en a pris l'autre. Et donc, j'ai qu'une question, c'est pourquoi pas. Pour 50 000 dollars, tue-moi. PS, je t'aime pas. Connard ou connasse. Mais tue-moi quand même. Connard ou connasse. Tue-moi quand même. Connard ou connasse. Tue-moi quand même. Connard ou connasse. Tue-moi quand même. Connard ou connasse. Tue-moi. Sur un beat de funk, je fais ma spliff de skunk. Sur un beat de funk, je fais ma spliff de skunk. Sur un beat de funk, je fais ma spliff de skunk. Ouais. C'est des lamelles. 12 par 80. Tac revente. Et ça nourrit 4 ventes. Ouais. C'est des lamelles. 12 par 80. Tac revente. Et ça nourrit 4 ventes. C'est des mamelles qui m'allaitent. Mieux vaut ça que de mal. C'est de la mêle. 12 par 80. Tac crevant. Et ça nourrit 4 vents. C'est des mamelles qui m'allaitent. Mieux vaut ça que de mal. C'est de la mêle. Pense aux grosses mallettes. Ça vaut bien de coups de la molette, ouais. Voyage, voyage. Jusqu'au bout de la nuit, l'amour fou, c'est la vie. Voyage, voyage. Voyage, voyage, jusqu'au bout de la nuit, l'amour fou, c'est la vie. Voyage, voyage, voyage, voyage, jusqu'au bout de la nuit, l'amour fou, c'est la vie. Voyage, voyage, voyage, voyage. Ta gueule enculée, ferme ta grande gueule. même ta grande gueule de bâtard, à dire de la merde à la télé, on s'en fout de ta chiotte, va te faire enculer, gros tas de merde, ferme ta gueule et va foutre de la merde dans ton CD, enculé de merde, crève bâtard. Qu'est-ce que tu crois? Tu crois que je vais me démerder avec ça? Je refuse de faire quoi que ce soit, je suis qu'une merde. Non mais qu'est-ce que tu crois? Tu crois que je vais me démerder avec ça? Je refuse de faire quoi que ce soit, je suis qu'une merde.

We are experiencing technical difficulties. Please stand by. We are experiencing technical difficulties. Please stand by. Roger that. Tango down, tango down. Roger that, motherfucker. Tango down, roger that. Roger that. Tango down. Sur ce, nuisance, c'est fini. Roger that, motherfucker. Tango down, roger that. Sur ce, nuisance, c'est fini. Roger that, motherfucker. Tango down.